Bonjour Emmanuel, comment Stendhal a-t-il composé La Chartreuse de Parme, publiée en 1839 ? Sans aucune méthode, apparemment. Je compose 20 ou 30 pages, se confie-t-il dans une lettre à Balzac, puis j'ai besoin de me distraire. Un peu d'amour, quand je puis, ou un peu d'orgie. Le lendemain matin, en lisant les 3 ou 4 pages de la veille, le chapitre du jour me revient. Écriture, amour et orgie, c'est parti. Si tu m'aimes, c'est en vrai, mon bel ange, tu m'aimes. Oh, le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Les miracles de bravoure et de génie dont l'Italie fut témoin en quelques mois réveillèrent un peuple endormi. Au Moyen-Âge, les Lombards républicains avaient fait preuve d'une bravoure égale à celle des Français et ils méritèrent de voir leur ville entièrement rasée par les empereurs d'Allemagne. Bientôt surgirent des mœurs nouvelles et passionnées. Un peuple tout entier s'aperçut le 15 mai 1796 que tout ce qu'il avait respecté jusque-là était souverainement ridicule et quelquefois odieux. Le départ du dernier régiment de l'Autriche marqua la chute des idées anciennes. Exposer sa vie devint à la mode. Pour achever d'énerver ce peuple autrefois si terrible et si raisonneur, l'Autriche lui avait vendu à bon marché le privilège de ne point fournir de recrues à son armée. En 1796, l'armée milanaise se composait de 24 faquins habillés de rouge, lesquels gardaient la ville de concert avec 4 magnifiques régiments de grenadiers hongrois. La liberté des mœurs était extrême, mais la passion fort rare. Bonjour Michel Crouzet. Bonjour madame. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous remercie. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne, spécialiste du romantisme et de Stendhal en particulier. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes amoureux de cet auteur de l'amour ? Et oui, dans la mesure où Stendhal est le romantique anti-romantique. C'est justement là qu'il est intéressant, c'est qu'il adhère en refusant. Et nous allons peut-être voir dans l'émission que c'est chez lui quelque chose de courant et de très profond. Et c'est quelque chose qui fait que vous l'aimez à ce point. Alors oui, parce que si vous voulez, il développe une attitude d'incrédulité, d'intelligence, d'irrespect, même à l'égard de ce à quoi il croit, qu'il respecte et qu'il aime. Sauf, et c'est là le problème, dans le domaine amoureux. L'éros est soustrait à toute espèce de critique et je dirais d'irrespect. C'est ce qui est souverain et définitif chez Stendhal. Pourquoi dites-vous éros et non amour ? Alors, je le prends au sens platonicien parce que c'est le désir divinisé. C'est le désir qui, chez Stendhal, est très proche, et je crois que c'est le problème de la Chartreuse de Parme, du fait religieux. Il y a un rapport très curieux chez un athée entre la foi et l'amour, si vous voulez. En même temps, et c'est ce qui est peut-être le plus intéressant dans la Chartreuse de Parme, l'amour, c'est l'aventure humaine, c'est le rapport des brigands et de la loi, c'est la liberté, si vous voulez, en marche des lois. La Chartreuse de Parme est un roman d'aventure, au sens propre du mot, et l'amour fait partie de la grande aventure. Et puis, troisième, peut-être, dimension essentielle, si l'éros, c'est l'aventure, si l'éros a quelque chose de sacré, l'éros est aussi une dimension dont beaucoup sont exclus. Et dans tous les romans de Stendhal, il y a des gens qui ne sont pas amoureux, qui ne peuvent pas l'être amoureux. Ce sont les gens assis dans l'ordre, les gens prudents, sages, qui sont des politiques, des banquiers, des gens riches, qui représentent toutes les valeurs fondamentales de la société, mais qui, malheureusement pour eux, ne sont exclus du désir. C'est un roman d'aventure et un roman d'amour, vous l'avez dit. Vous avez, de votre côté, Michel Crouzet, énormément écrit sur Stendhal. On peut lire de vous le héros fourbe chez Stendhal ou Hypocrisie, politique, séduction, amour dans le bellisme aux éditions Eurédie. Stendhal, héroïsme, nation, relation. Mr. Myself ou la vie de Stendhal. Vous connaissez son œuvre sans doute par cœur. Est-ce que vous faites partie des rougistes ou des chartreux? Dans le jargon Des amoureux de Stendhal, les rougis sont ceux qui préfèrent le rouge et le noir, et les chartreux, la chartreuse de Parme. Je ne peux pas choisir, si vous voulez, parce que toutes les œuvres de Stendhal sont différentes, et sont toutes de Stendhal, et ont toutes des points communs, mais sont toutes fondamentalement différenciées. Et c'est un peu ce qu'il faudra dire au départ de toute réflexion sur la chartreuse de Parme. Il y a un mot chez Stendhal, j'ai essayé de l'étudier, qui est essentiel, c'est le mot « singulier ». Singulier, c'est ce qui existe à un exemplaire unique. Un homme de génie est un homme singulier. Une œuvre est singulière parce qu'elle n'existe que comme telle. Et finalement, c'est peut-être dans l'éros que se réalise la singularité humaine. C'est peut-être un point que nous allons devoir aborder. Et nous allons le faire en effet. Encore un point avant d'entrer dans le roman, puisqu'on a entendu les premières lignes du roman lu par Guillaume Gallienne. Est-ce un mythe ou une réalité? Il est dit que Stendhal a écrit ce livre en 52 jours, du 4 novembre au 26 décembre 1838. C'est pas du tout un mythe, c'est une réalité. Enfin, il avait commencé à y travailler, mais il s'est rapproché à petits pas du thème. Et puis un beau matin, 54 jours, il faut lui donner 54 jours, il a effectivement tout écrit. Alors, c'est, tout simplement, si vous voulez, disons-le, c'est que qu'est-ce que l'éros? C'est le désir en liberté. Qu'est-ce que le génie? C'est une autre forme de liberté. C'est la liberté de créer à tout va, d'improviser de manière continue, en puisant en soi-même. Dans tous les cas, si vous voulez, on trouve à l'origine, c'est l'individu. Ce qui compte pour Stendhal, c'est l'individualité. Alors, prenez par exemple la cristallisation. Qui est la théorie de l'amour formulée par Stendhal dans son texte de l'amour. Que veut dire la cristallisation? On dit toujours qu'au fond, le désir naît en idéalisant la personne aimée, si vous voulez. Le regard voit, et pour aimer, il transforme la personne aimée, et la cristallisation est le dépôt de toutes sortes de qualités sur cette femme. Alors, c'est vrai, mais on a l'impression à ce moment-là qu'il y a une erreur initiale. Ce n'est pas la femme réelle qu'on aime, si vous voulez. C'est l'image qu'on s'en fait. Voilà, et alors, dans Stendhal, il n'a jamais de désillusion. L'amour n'est pas une erreur, l'amour ne se trompe pas. Qu'est-ce donc que la cristallisation? La cristallisation, c'est la mise à jour du désir de l'amant ou de l'amante. C'est l'apparition de son désir qui engendre le désirable. Mais le moment premier, fondamental, c'est qu'il trouve son désir, qu'il coïncide avec ce qui est le plus profond, le plus vital, le plus créateur en lui-même. Le point de départ de l'amour, c'est ce surgissement du moi aimant, si vous voulez, qui est effectivement l'auteur de la cristallisation. La cristallisation est simplement l'expression du désir, la création du désirable, mais d'abord il faut le désir. C'est absolument passionnant de voir comment l'objet d'un désir va être choisi pour coïncider avec le désir qui part du moi, vous l'avez bien dit. Qui part du moi, qui est le moi, si vous voulez. C'est ce qu'il y a de plus fondamental, de plus singulier, c'est le mot a un sens immense chez Stendhal, de plus original. Le plus original, c'est la femme qu'on aime. Mais Michel Crouzet, quel lien avec le début du texte que nous avons entendu, où il s'agit d'une description d'un peuple, du réveil d'un peuple endormi, nous dit Stendhal, qui se rend compte qu'il avait jusque-là ce qu'il avait respecté était ridicule et parfois odieux. On est bien loin de l'amour dans ce portrait du peuple italien. Le réveil, c'est la liberté, et c'est immédiatement la liberté de la passion. Les mœurs compris à l'échelle politique et collective. Que les Lombards avaient abandonné, ils les retrouvent dans la liberté. Alors, la liberté politique, c'est ça la difficulté chez Stendhal. La liberté politique semble flaboriser la liberté passionnelle. Et là, Stendhal est très lucide et très inquiet. Il s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Que la démocratie ne correspond pas à la liberté des passions. Au contraire, qu'elle réfrène la liberté des passions. C'est tout le problème de l'Amérique. Il y en a beaucoup de questions dans la Chartreuse de Parme, si vous voulez. Et l'Amérique, qui est la démocratie et l'avenir, c'est au fond le contraire de la Lombardie et des mœurs passionnées des Italiens. La liberté politique que l'humanité engendre, qu'elle adore, dans laquelle elle est très bien et très confortable, est originellement un détournement pour éviter la passion. C'est ce que décrit Tocqueville dans Amérique. C'est cette inquiétude qui fait que Stendhal, républicain, progressiste, moderniste et tout, est en même temps l'admirateur du Moyen-Âge, le critique de la modernité et un homme qui déteste l'Amérique. Mais diriez-vous que c'est un roman politique ? Alors, c'est un roman politique parce que la liberté est indispensable, mais la liberté est destructrice de la passion. C'est comme ça, c'est ce que Stendhal a trouvé, et oserais-je dire que ce n'est peut-être pas faux. Avançons dans la lecture du texte. Je vous propose qu'on écoute un second extrait de La Chartreuse de Parme. Il s'agit cette fois-ci des retrouvailles entre Fabrice, le personnage principal, et la comtesse Sanseverina, qui sont en fait les deux personnages principaux. Celle-ci est mariée au comte Mosca, qui lorsqu'il rencontre Fabrice est plutôt impressionné. Jusqu'à ce qu'il observe le regard que sa femme jette sur Fabrice, et alors il comprend tout. Écoutez, le texte est lu par Georges Clès. La duchesse Sanseverina ne revenait pas de son étonnement. Elle n'eut pas reconnu Fabrice à le voir passer dans la rue. Elle le trouvait, ce qu'il était en effet, l'un des plus jolis hommes de l'Italie. Il avait surtout une physionomie charmante. Elle l'avait envoyé à Naples avec la tournure d'un hardi casse-cou. La cravache qu'il portait toujours alors semblait faire partie inhérente de son être. Maintenant, il avait l'air le plus noble et le plus mesuré devant les étrangers. Et, dans le particulier, elle lui trouvait tout le feu de sa première jeunesse. C'était un diamant qui n'avait rien perdu à être poli. Il n'y avait pas une heure que Fabrice était arrivé lorsque le comte Mosca survint. Il arriva un peu trop tôt. Le jeune homme lui parla en si bons termes de la croix de Parme accordée à son gouverneur, et il exprima sa vive reconnaissance pour d'autres bienfaits dont il n'osait parler d'une façon aussi claire, avec une mesure si parfaite, que, du premier coup d'œil, le ministre le jugea favorablement. « Ce neveu, dit-il tout bas à la duchesse, est fait pour orner toutes les dignités auxquelles vous voudrez l'élever par la suite. » Tout allait à merveille jusque-là, mais quand le ministre, fort content de Fabrice, et jusque-là attentif uniquement à ses faits et gestes, regarda la duchesse, il lui trouva des yeux singuliers. « Ce jeune homme fait ici une étrange impression, se dit-il. Cette réflexion fut amère. Le comte avait atteint la cinquantaine. C'est un mot bien cruel et dont peut-être un homme éperdument amoureux peut seul sentir tout le retentissement. Il était fort bon, fort digne d'être aimé, à ses sévérités près comme ministre, mais à ses yeux, ce mot cruel, la cinquantaine, jetait du noir sur toute sa vie et eût été capable de le faire cruel pour son propre compte. La Chartreuse de Parme de Stendhal est à l'honneur aujourd'hui des chemins de la philosophie. Nous écoutons le texte et l'analyse que propose Michel Crouzet, qui est avec nous en studio aujourd'hui. Nous venons d'entendre un texte que j'ai qualifié comme étant les retrouvailles entre Fabrice et la Sainte-Séverina. Mais Michel Crouzet, pour ceux de nos auditeurs qui n'ont jamais ouvert la Chartreuse de Parme et qui ne savent pas qui sont Fabrice et la Sainte-Séverina, est-ce que vous pouvez les présenter ? Alors, premier point, si vous voulez, la Sainte-Séverina, c'est le danger que Fabrice va éviter. Parce que la Sainte-Séverina, c'est sa tante, elle aime son neveu, il n'y a pas de rapport consanguin entre eux, mais elle est amoureuse de son neveu. Et Fabrice, intelligemment, va contourner cette passion. Parce que c'est une passion toute faite, si vous voulez. S'il avait été l'amant de sa tante, personne n'y aurait vu aucun mal, mais il n'aurait pas inventé sa propre vie. Il aurait adhéré à une situation toute faite. Et c'est là qu'il va finalement refuser ce désir, refuser l'amour que sa tante lui propose, et qu'elle sera profondément chagrine de ne pas voir se réaliser, et qu'il va en quelque sorte refuser l'amour facile, l'amour tout fait, l'amour qui ne serait pas inventé par le sujet lui-même. Et c'est là le problème fondamental de l'univers stendhalien, c'est que toute démarche, pour être authentique, doit venir du moi et du moi seul. Alors, je prends un exemple, la fameuse cristallisation, si vous voulez. L'amour naît de l'échange d'un regard à partir duquel l'amant idéalise la femme qu'il va aimer. Mais en réalité, il n'y a pas un travail de transformation de la femme. Ce qui est essentiel dans la cristallisation, c'est que le désir vient du sujet. Mmh. C'est que le sujet découvre son désir et le désirable. Et c'est lui-même qui est en question. Oui, mais dans quelle mesure sommes-nous maîtres de ce désir ? Vous dites Fabrice fait bien de ne pas aimer sa tante en retour, car ainsi il choisit sa vie. Mais l'amour, par définition, ne se choisit pas. Alors justement, on n'en est pas maître. C'est là que le désir naît d'un mystère en soi qui paraît au jour et qui n'apparaît au jour que là. Si vous voulez, c'est le fond de la vie tel qu'un homme peut la vivre, de la vie au singulier, la vie du moi qui surgit dans l'apparition du désir. Alors pourquoi dites-vous que Fabrice est habilement manier sa propre passion pour sa tante? Ça veut bien dire qu'il a la main sur son désir. Il y a chez lui une sorte d'affinité avec l'amour, avec le désir. Il le comprend spontanément et il comprend en quelque sorte qu'il ne doit pas tomber dans une situation toute faite. C'est de l'intelligence? Oui, c'est là que l'amant rejoint l'artiste. Si vous voulez, l'amant est au fond l'auteur de son amour, comme l'artiste est l'auteur d'une œuvre. Ce sont des points de vue singuliers, nouveaux, hétérogènes à tout autre. Je vous pose la question de la présence de la raison dans l'amour à dessein, puisqu'il y a chez Stendhal une prise de position très claire dans les discussions de l'époque qui oppose la raison et la sensibilité pour faire en sorte que la raison soit victorieuse. Chez Stendhal, c'est plutôt l'inverse, non ? C'est plus nuancé, si vous voulez. Stendhal est un utilitaire, c'est-à-dire qu'il adhère à un système de pensée qui est intégralement anti-romantique et anti-littéraire. N'est utile, l'utile, si vous voulez, ce qui est utile à l'humanité, c'est ce qui répond à l'intérêt, c'est-à-dire l'économie, la politique, etc. Et ces choses sont présentes dans le roman. Il y a toute une partie politique, il y a les hommes confortablement assis dans la société, qui sont au pouvoir, qui sont riches, etc. Ils sont un peu ridicules, ils sont ridiculisés, mais ils existent. Mais la véritable forme de l'intérêt pour Stendhal, la véritable forme de l'utile, l'intérêt vrai est désintéressé. C'est une victoire sur l'intérêt. Le moi se découvre, découvre la réalité, découvre l'amour en étant moins moi, en étant un autre moi, si vous voulez. Il est toujours lui, mais il est en lui une victoire sur le moi. Au fond, l'ennemi chez Stendhal, le centre de la vie, c'est le moi, et l'ennemi, c'est l'égoïsme. Comment obtenir ce qui peut paraître paradoxal. Que le moi ne soit pas égoïste? Et comment? Alors, en effet, c'est là qu'on trouve tout le roman de Stendhal, comment faire que les moi ne soient pas égoïstes. Et comment alors? Quel type de réponse ce roman-là, la Chartreuse de Parme, apporte à cette question? Ça veut dire qu'il faut, et là, on retrouve cette idée chez les utilitaires ou chez le philosophe du XVIIIe siècle qui a profondément influencé Stendhal, Helvétius, l'intérêt doit être désintéressé. C'est le problème capital de la vie, de l'éthique, c'est le désintéressement de l'intérêt. Alors, comment y arriver? C'est tout le problème, en effet, de la passion et aussi... Peut-être que, puisque nous voyons, nous sommes en 1796, tout le problème du citoyen. Citoyen, amant, artiste, c'est au fond les trois catégories fondamentales de l'héroïsme stendhalien. Vous dites héroïsme, et pourtant, à de nombreuses reprises dans le texte, Fabrice Eldongo apparaît comme un anti-héros. Et lorsque Stendhal le dépeint sur le champ de Waterloo, il précise bien qu'à ce moment-là, notre héros était fort peu héros. La phrase exacte, c'est « nous avouerons que notre héros était fort peu héros en ce moment ». Alors, est-ce un héros ou un anti-héros ? Ah oui, mais c'est parce que la peur et la victoire sur la peur fait partie de l'héroïsme. Si vous voulez, c'est l'ABC de l'héroïsme, c'est de savoir se vaincre. C'est justement savoir vaincre son intérêt vital, qu'elle soit sa peau, si vous voulez, au nom d'un intérêt supérieur qui est d'être héroïque, de remporter des déclarations et de vaincre l'ennemi. Mais c'est pas ce que fait Fabrice Eldongo, c'est une description clairement ironique à ce moment-là. Si il veut être un héros, exactement, puisque exactement à l'image napoléonienne, à l'image de celui dont il ne sait pas qu'il est son père, ce lieutenant Robert, qui apparaît au début et qui est le héros de la Révolution, parce que il est dans le dénuement absolu et il se bat comme un lion. Pour vous, ce texte n'est pas ironique. La description de la bataille de Fabrice sur le champ de Waterloo. Non, elle est ironique, mais par une autre raison. Que je vais vous indiquer tout de suite, c'est que c'est une anti-description. Stendhal comprend que la réalité, c'est le hasard. Il respecte le hasard, parce que le hasard, c'est justement la naissance de la force, qui naît dans le besoin, le défi des choses, le défi de la passion, si vous voulez, et c'est là la liberté. Pour lui, ce qui est très intéressant, c'est ce rapport du hasard et de la liberté. Dans le texte, que la civilisation, et c'est là qu'il la réprouve et qu'il s'en sépare, cherche systématiquement à nier. Si vous voulez, c'est l'idée fondamentale. Tout ce qui est bon, beau, est fils de hasard. Et la civilisation déteste le hasard. Dans le texte qu'on a entendu, la rencontre, enfin les retrouvailles entre Fabrice et sa tante, il y avait ce troisième personnage, le comte Mosca, qui est très intéressant parce que le comte Mosca aime éperdument son épouse, la duchesse Sanseverina, à qui il donne son nom, et pourtant il sait que celle-ci ne l'aime pas autant, et voire le trompe. Il y a une espèce de magnificence de cet amour du comte de Mosca envers sa femme. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant dans le roman, c'est l'existence de deux couples, les jeunes gens et les gens âgés. Fabrice et Clélia pour les jeunes gens. Alors là, vous avez un rapport de rivalité et de complémentarité entre les jeunes gens et les gens âgés. Alors, finalement, si vous voulez, Fabrice n'aimera pas Gina, mais il sera fidèle à sa tante. Il sera fidèle à Mosca, qui au fond est un peu son ennemi. Le problème des deux couples, jeunes gens, gens âgés, constitue une antithèse dans le roman, mais une antithèse parfaitement supportable. Ce sont des complémentaires parce que les gens âgés le sont très peu dans le fond. Ils sont restés jeunes parce que le comte Mosca est incrédule et amoureux. Ce qui fait qu'il conserve une éternelle jeunesse de la pensée et du corps. On va entendre un autre texte, cette fois-ci la rencontre entre Fabrice et Clélia, Fabrice entouré de gendarmes. Écoutez comment, encore une fois, c'est par le regard, on sait l'importance, vous y êtes revenu à de nombreuses reprises, Michel Crouzet, de la cristallisation, ce phénomène qui fait qu'on tombe amoureux pour Stendhal, eh bien ça passe par la vue. Regardez comment c'est à travers une description de la façon qu'a Clélia de percevoir Fabrice que l'on comprend le lien qui les unit. Écoutez d'abord cet extrait du film de Christian Jacques qui raconte l'arrivée en prison de Fabrice, puis l'extrait du roman lu par Georges Clès. Tu aurais aurais pu être plus aimable avec Crescenzi. Je suis un homme pauvre, ma petite fille, tu l'oublies trop. Il est riche à millions, il veut t'épouser. Je ne vois pas ce que tu peux lui reprocher. Rien, je ne l'aime pas, c'est tout. Oh, toi, tu n'aimes pas vivre dans cette prison, tu n'aimes pas aller dans le monde. J'en arrive même à me demander si tu aimes ton père. Quoi, ça vous impressionne, Marquis? Marquis ou pas, ça n'est jamais qu'un assassin. Vous êtes interdit de me toucher. On se passera votre permission. Fouillez-le. Bon, voilà d'une façon. Attends-moi une minute. Vous vous croyez dans une écurie? Monsieur le directeur de la police, monsieur le marquis, que se passe-t-il? Oh, moins que rien, monsieur le marquis a eu un geste un peu vif. Il a assassiné un comédien. Je n'ai fait que me défendre, gouverneur. Cette canaille m'a attaqué. Tu verras quand tu seras devant tes juges. Ah, les juges, ils ne valent pas plus cher que vous, les juges. Tel maître, tel valet, tous abjects. Vous avez entendu? Non, moi, les injures ne m'atteignent pas, mais outrage public à notre souverain. On en a pendu pour moins que ça, jeune homme. Ça, vous le mettrez au secret. Et vous chargerez Grillo de la surveillance. Allez. Fabrice était superbe au milieu des gendarmes. C'était bien la mine la plus fière et la plus noble. Ses traits fins et délicats et le sourire de mépris qui errait sur ses lèvres faisaient un charmant contraste avec les apparences grossières des gendarmes qui l'entouraient. Mais tout cela ne formait pour ainsi dire que la partie extérieure de sa physionomie. Il était ravi de la céleste beauté de Clélia et son œil trahissait toute sa surprise. Elle, profondément pensive, n'avait pas songé à retirer la tête de la portière. Il la salua avec le demi-sourire le plus respectueux, puis après un instant, « Il me semble, mademoiselle, lui dit-il, qu'autrefois, près d'un lac, j'ai déjà eu l'honneur de vous rencontrer avec accompagnement de gendarmes. » Clélia rougit et fut tellement interdite qu'elle ne trouva aucune parole pour répondre. Quel air noble au milieu de ces êtres grossiers, se disait-elle au moment où Fabrice lui adressait la parole. La profonde pitié, et nous dirons presque l'attendrissement où elle était plongée, lui ôtèrent la présence d'esprit nécessaire pour trouver un mot quelconque. Elle s'aperçut de son silence et rougit encore davantage. En ce moment, on tirait avec violence les verrous de la grande porte de la citadelle. La voiture de son Excellence n'attendait-elle pas depuis une minute au moins? Le bruit fut si violent sous cette voûte que, quand même Clélia aurait trouvé quelques mots pour répondre, Fabrice n'aurait pu entendre ses paroles. Emportée par les chevaux qui avaient pris le galop aussitôt après le pont-levis, Clélia se disait « Il m'aura trouvé bien ridicule ». Puis tout à coup elle ajouta « Non pas seulement ridicule, il aura cru voir en moi une âme basse. Il aura pensé que je ne répondais pas à son salut parce qu'il est prisonnier et moi fille du gouverneur. » Cette idée fut du désespoir pour cette jeune fille qui avait l'âme élevée. Et ainsi naît l'histoire d'amour entre Fabrice et Clélia. Michel Crouzet, une des singularités de ce roman et de l'écriture stendhalienne, c'est la difficulté d'identifier qui parle. Est-ce le narrateur ou est-ce le narrateur à travers le regard de Clélia qui décrit Fabrice comme étant superbe au milieu des gendarmes? Là, je crois que c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que Stendhal ne distingue pas, la voix narrative des personnages. La narratologie est un échec quand il est question de lui. Et c'est ça la difficulté. Il n'y a pas d'instance narrative séparable. L'auteur est tout le temps présent. Les personnages parlent, agissent. Il n'y a pas de distinction. Et c'est donc à peu près inutile et même un peu scandaleux, parce que ça n'apporte rien à l'étude du texte, que de se livrer à cette mise en pièce des textes à partir de fonctions prétendument narratives. C'est à travers les yeux de Clélia qu'on découvre Fabrice ici. D'ailleurs, le problème texte essentiel, si vous voulez, qui sépare absolument Stendhal de tous les autres romanciers, c'est que l'auteur est continuellement présent. Il parle tout le temps, il est toujours là. Il donne son là, avis. Voilà. Il n'y a pas de lieu où il se sépare des personnages. Il est en eux, il les fait parler, etc. Il n'y a pas de distinction entre le narrateur, narration, le narrateur, les personnages, etc., etc. C'est quand même toujours à travers le regard que l'on découvre les personnages. Alors, les personnages se retrouvent à travers leur regard, si vous voulez, parce que... Le regard d'un tiers. Parce que la vision, c'est ce qu'il y a de plus sensible chez l'homme. Mais l'élément fondamental, c'est la sensibilité, et la vision est une partie de la sensibilité. C'est ça le problème, voyez-vous. Alors, ce qu'on ne voit pas bien, si vous voulez, c'est que la Chartreuse de Parme, c'est le chef-d'œuvre du romanesque traditionnel. Le romanesque, même du roman courtois, c'est la quête. C'est un roman de la quête, si vous voulez. C'est un roman de l'action, de la bagarre, où on se bat tout le temps. C'est un roman où tout le monde est armé, comme si on était encore au Moyen-Âge, si vous voulez. C'est un roman de la violence, de l'action, de l'aventure, de la quête, toute sortie en tout déplacement est une suite d'aventures. C'est un roman d'aventure. Et ça, on doit le comprendre d'abord et considérer qu'il y a chez lui le romanesque fondamental qui est à la base de la culture européenne depuis le Moyen-Âge. C'est le premier point. Par romanesque, qu'est-ce que vous entendez? Le plaisir de raconter des histoires et des aventures? Le plaisir de raconter des histoires, de raconter des aventures, des quêtes, la recherche, le danger, la réponse par la violence, etc. L'amour et le combat sont tout le temps mêlés et réunis. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose en plus de différent chez Stendhal? Car raconter des histoires d'amour et de combat, beaucoup de gens le font. Chez Stendhal, il y a bien quelque chose qui le distingue des alors, autres. Alors, c'est qu'il y a chez Stendhal, justement, là c'est une autre fidélité à la littérature traditionnelle, le problème de l'éros, la force de l'érotisme, qui n'est pas tout ce qu'on dit maintenant, ce qu'on appelle maintenant de ce nom. L'éros, ça veut dire tout simplement, si je peux me permettre de caricaturer Descartes, j'aime donc je suis. C'est la clé de l'existence, c'est la clé du désir et la clé de la vie. Et l'homme est fait pour désirer et suivre ses désirs. C'est là, peut-être, pourrait-on dire, le centre dans l'entreprise stendhalienne du roman comme de sa pensée. Ce n'est pas un hasard si le livre de l'amour, qui est une analyse du désir, de sa naissance, de sa fin, etc., est au fond à l'origine de tous ces romans, repris par tous les romans. C'est le plus romanesque au sens traditionnel du mot de tous les écrivains du XIXe siècle. Vous avez dit que c'était aussi l'écrivain du hasard. Or, dans sa réflexion sur l'amour et dans le texte que nous avons entendu, il semble que peu de choses soient laissées entre les mains du hasard, ce qui fait que Clélia aime Fabrice, elle le dit clairement, c'est la finesse de ses traits, et l'âme élevée qui contraste avec celle des gendarmes autour de lui. Il y a une noblesse de l'âme mutuellement reconnue chez Fabrice, oui, et chez Clélia, qui n'a rien à voir avec le hasard, au contraire. Si justement, le hasard s'oppose à la raison et seconde l'âme. Parce que l'âme n'a rien à voir avec la raison, le calcul, etc., l'amassement des richesses ou la rationalisation de l'existence, si vous voulez. Mais le hasard et l'âme, ce sont deux formes conjointes de liberté. L'homme est libre dans le hasard, l'amour et le hasard. Voilà exactement ce qu'on pourrait donner comme sous-titre à toute l'œuvre de Stendhal. L'amour et le hasard sont jumeaux, joints et créateurs tous les deux, ensemble et différemment. Comme Marivaux. Voilà. Pourtant, on est bien loin de la dramaturgie de Marivaux. Ah oui, mais c'est tout même ça, le jeu de l'amour et du hasard. Ce serait très bien le sous-titre de la Chartreuse de Parme. D'autant plus, si vous voulez, que le jeu, alors pris au sens, peut être pris au sens ludique, comme il peut être pris au sens des jeux ordinaires, des jeux de cartes, du whist, etc. Or, le roman, est tout le temps une allusion permanente au jeu. La vie sociale devient un jeu, et le jeu est souverain dans le domaine de la passion et de l'amour. C'est un roman du jeu, J-E-U. Dans quelle mesure est-ce que Stendhal faisait une part, accordait une grande importance au hasard dans sa rédaction? Parce que quiconque écrit un roman sait où il va. C'est le hasard. Il improvisait tout. Absolument, il n'y a pas de modèle. Il est incapable de partir d'un texte. Il faut qu'il l'écrive continuellement d'une manière nouvelle. C'est pour ça qu'il corrige, parce que le hasard intervient à nouveau dans la correction. Mais l'improvisation, c'est l'abandon au mouvement de la plume. Au mouvement de l'improvisation, c'est le hasard. Pas de plan, pas de méthode, pas de petit résumé, si vous voulez, antérieur, qui développerait. Il part et il écrit. Donc il ne sait pas où il va quand il commence. Voilà. Justement, c'est là qu'est le mouvement du jeu et de la liberté. On ne sait pas à quoi on veut aboutir, parce que le hasard est toujours là, et le hasard est créateur, le hasard est la clé de tout. Bah vous dites que c'est un anti-romantique, mais c'est une vision très romantique de l'écriture. Pensez qu'en laissant les choses s'exprimer librement, on les remet entre les mains du hasard. C'est aussi le plus grand des déterminismes. Le hasard, c'est l'improvisation, c'est l'aspiration. C'est ce qu'on ne commande pas, ce qu'on ne dirige pas, ce qu'on subit. Mais c'est peut-être le déterminisme, peut-être qu'on écrit selon son caractère, selon ses connaissances. C'est un déterminisme rationnel, sans principe et sans plan. C'est aussi une posture. En tout cas, ça aboutit à une œuvre. Qui est à la fois romantique et donc anti-romantique, vous l'avez dit, on a les deux versants. Alors, c'est effectivement, si le romantisme c'est Victor Hugo, on peut dire que Stendhal est un romantique anti-romantique, mais on pourrait dire aussi que Hugo c'est la même chose. Vous savez, les romantistes sont des gens trompeurs, qui se moquent un peu de nous aussi souvent. On va entendre un troisième extrait ensemble, cette fois-ci vers la fin du roman. Fabrice est emprisonné et depuis la cellule de sa prison, il aperçoit, en face, inaccessible, intouchable, Clélia. L'un et l'autre communiquent par signes, et Fabrice a une révélation, on peut vraiment parler de révélation, il comprend, derrière l'éloge de la liberté qui est fait sous la plume de Stendhal, qu'il est plus heureux en prison, donc enfermé à regarder Clélia, que libre, loin de Clélia. Écoutez. Pendant toute cette troisième journée de sa prison, Fabrice fut outré de colère, mais uniquement de ne pas avoir vu reparaître Clélia. Colère pour colère, j'aurais dû lui dire que je l'aimais, s'écriait-il, car il en était arrivé à cette découverte. Non, ce n'est point par grandeur d'âme que je ne songe pas à la prison et que je fais mentir la prophétie de Blanès. Tant d'honneur ne m'appartient point. Malgré moi, je songe à ce regard de douce pitié que Clélia laissa tomber sur moi lorsque les gendarmes m'emmenaient du corps de garde. Ce regard a effacé toute ma vie passée. Qui m'eût dit que je trouverais des yeux si doux en un tel lieu, et au moment où j'avais les regards salis par la physionomie de Barbonne et par celle de Monsieur le Général Gouverneur? Le ciel parut au milieu de ces êtres vils, et comment ne pas faire pour aimer la beauté et chercher à la revoir? Non, ce n'est pas par grandeur d'âme que je suis indifférent à toutes les petites vexations dans la prison macabre. L'imagination de Fabrice, parcourant rapidement toutes les possibilités, arriva à celle d'être mis en liberté. Sans doute l'amitié de la duchesse fera des miracles pour moi. Eh bien, je ne la remercierai de la liberté que du bout des lèvres. Ces lieux ne sont point de ceux où l'on revient. Une fois hors de prison, séparés de société comme nous le sommes, je ne reverrai presque jamais Clélia. Et dans le fait, quel mal me fait la prison? Si Clélia daignait ne pas m'accabler de sa colère, qu'aurais-je à demander au ciel? Stendhal romantique ou anti-romantique, en tout cas avec Schumann en sortie de ce texte, nous prenons le parti du romantisme sur France Culture, les chemins de la philosophie. Le texte que l'on vient d'entendre, Michel Crouzet, est fabuleux. de précision des sentiments chez Fabrice et de cette prise de conscience qu'il préfère l'enfermement à la liberté s'il peut aimer Clélia. On y entend surtout la référence à une prédiction qui a eu lieu au chapitre 8 du premier livre de la Chartreuse de Parme, dont on n'a pas encore parlé, celle de l'abbé Blanès, qui est passionné d'astrologie et qui prédit ce qui va arriver à Fabrice. On est loin du hasard ici, avec cette prédiction. Il lui prédit sa mort sur un fauteuil de bois, dans la solitude de la Chartreuse. Alors, il faut dire les choses comme elles sont. La prison, c'est le symbole de l'amour. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'au fond, on retrouvera à la fin à Fabrice, devenu le coadjuteur de l'archevêque, avec un comportement ascétique qui fait l'admiration de tout le monde, si vous voulez. Il vit dans la souffrance et le dénuement, et il vit intensément dans la souffrance et le dénouement. De même, la prison est le symbole de l'amour. C'est la réduction de l'homme à sa vie, à l'essence de sa vie, qui lui fait découvrir la passion amoureuse. Il faut être seul, et même si on est en prison, on est plus vraiment seul que tout autre, pour aimer, pour pouvoir aimer. Et c'est là le paradoxe essentiel. La prison est le lieu du bonheur, et le lieu du bonheur conjoint, immédiatement uni, de l'homme et de la femme, qui ne correspondent que difficilement de leur cellule réciproque, de la cellule de l'un à la chambre de l'autre. Ils sont tous les deux solitaires, emprisonnés, donc amoureux. C'est là qu'est le triomphe de l'amour. C'était un triomphe de l'amour qui est assez triste et lugubre. Si vous voulez, parce qu'au fond, dans l'amour, il y a quelque chose de religieux. C'est ça qu'il faut comprendre. On pense au moine dans son monastère. Voilà, c'est une religion laïque, mais il y a quelque chose de religieux dans le désir ainsi devenu, fondé sur le sacrifice du moi. Le prisonnier est sacrifié, donc amoureux. Donc amoureux ? Donc amoureux. Donc il peut être amoureux parce qu'il connaît le sacrifice. De même, à la fin, on trouve un Fabrice qui a les dimensions d'un ascète, presque d'un moine. D'ailleurs, si on remarquera que dès qu'il est en liberté, il fait des séjours dans des chartreuses, si vous voulez. Il est attiré par la vie solitaire et ascétique du moine parce qu'il l'a connu en prison et qu'il a trouvé le bonheur dans le refus de soi-même, dans ce dépassement de soi-même. Alors, vous avez chez Stendhal un mécanisme du dépassement. Les choses se réalisent en se niant et en se dépassant. Qu'est-ce que la beauté ? C'est le clair-obscur, c'est la lumière devenant petit à petit son contraire, l'obscurité. Qu'est-ce que le désir ? C'est la vie frôlant la mort, proche de la mort, s'accordant à la mort, l'acceptant, à ce moment-là, et le désir est vraiment triomphant, il est vraiment lui-même. L'ascétisme fait partie de la passion. Donc on devient soi lorsqu'on renonce à soi. Voilà, on est soi-même en renonçant à soi. On est utile en étant désintéressé. Ça, c'est une lecture chrétienne de ce texte. Alors, je crois qu'en effet, si vous voulez, quel que soit l'athéisme de Stendhal, il y a en lui, et c'est quand même ça qui est tout à fait surprenant et intéressant, une fidélité au catholicisme. Non pas au protestantisme, parce que le protestantisme, c'est l'Amérique, c'est l'individu économe et producteur. Mais le catholicisme, et c'est pas un hasard si le héros fondamental de Stendhal est moine, si vous voulez, et si son destin se termine dans une chartreuse, il y a un rapport étroit que Stendhal aurait sans doute refusé entre le stendhalisme et le catholicisme, pas le protestantisme. Est-ce que ça veut dire qu'en dernière analyse, l'amour ultime est l'amour pour Dieu ? Tout simplement parce que c'est la foi. Il y a une foi, on peut comparer la foi de l'amant dans l'amante et la foi du croyant en Dieu. C'est un acte de foi. La passion est finalement un acte de foi, puisque ça veut dire qu'on parie sur les qualités de l'aimé qu'on ne connaît pas, qu'on n'en a pas éprouvé, que l'on suppose et qui sont réelles. Et donc le phénomène de cristallisation serait une manière diviniser l'être désiré. Alors diviniser, si on veut, en tout cas, c'est un comportement, je dirais, de foi. Si finalement, l'amant a foi dans l'aimé. Et cela lui suffit. Alors, c'est très curieux. Stendhal est un rationnel, un rationaliste, un révolutionnaire, un jacobin, tout ce qu'on veut. Et il y a chez lui, si vous voulez, à travers cette conception de la passion, cette dimension de l'éros, il y a un acte de foi. Ça veut dire que le corps est vraiment secondaire dans cette histoire. Non, parce que le corps, justement, il supporte de la foi. Le corps vit la foi. De quelle manière ? Parce qu'il la ressent en lui-même, si vous voulez. Il embellit, si j'ose dire, du fait d'aimer. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de consommation physique de cet amour, s'il est un acte de foi. Alors c'est là que Stendhal semble toujours minorer l'aspect physique de l'amour. Ce n'est pas vrai. Simplement, il en fait une conséquence, pas une cause. Avant de se quitter, Michel Crouzet, puisque vous avez beaucoup parlé de la cristallisation dès le début de cette émission, et pour cause, cette série d'émissions porte sur l'amour, aujourd'hui dans la Chartreuse de Parme, Stendhal est l'auteur d'un traité intitulé « De l'amour », qui date de 1822, dans lequel il décrit ce phénomène de la cristallisation. Nous en avons beaucoup parlé, mais je vous propose qu'on entende un extrait de ce texte qui décortique et analyse les différentes étapes de la cristallisation qui conduisent au coup de foudre. Écoutez. Voici ce qui se passe dans l'âme. Premièrement, l'admiration. Deuxièmement, on se dit quel plaisir de lui donner des baisers, d'en recevoir, etc. Troisièmement, l'espérance. On étudie les perfections. C'est à ce moment qu'une femme devrait se rendre pour le plus grand plaisir physique possible. Même chez les femmes les plus réservées, les yeux rougissent au moment de l'espérance. La passion est si forte, le plaisir si vif, qu'il se trahit par des signes frappants. Quatrièmement, l'amour est né. Aimer, c'est avoir du plaisir à voir, toucher, sentir par tous les sens et d'aussi près que possible un objet aimable et qui nous aime. Cinquièmement, la première cristallisation commence. On se plaît à orner de mille perfections une femme de l'amour de laquelle on est sûr. On se détaille tout son bonheur avec une complaisance infinie. Cela se réduit à s'exagérer une propriété superbe qui vient de nous tomber du ciel, que l'on ne connaît pas, et de la possession de laquelle on est assuré. Laissez travailler la tête d'un amant pendant 24 heures, et voici ce que vous trouverez. Aux mines de sel de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver. Deux ou trois mois après, on le retire, couvert de cristallisations brillantes. Les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la patte d'une mésange, sont garnies d'une infinité de diamants, mobiles et éblouissants. On ne peut plus reconnaître le rameau primitif. Voilà d'où vient l'image de la cristallisation, Michel Crouzet, de ce rameau que l'on trouve dans les mines de sel de Salzbourg. Oui, mais il y a une partie du texte qui n'a pas été... Ah non, je vous le confirme, ce n'est qu'un extrait du deuxième chapitre. Qu'est-ce qui va garantir la cristallisation ? Est-ce que va la fonder une fois pour toutes et en faire une dimension, je dirais, presque éternelle ? C'est le danger de perdre. C'est le fait que l'amour n'est pas donné, il n'est pas encore acquis, il peut être cassé. La cristallisation s'établit à partir du danger de la perte et de la souffrance. Alors, l'imagination peut ainsi se développer dans le bonheur, la joie, mais pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait ce sentiment de rupture, de danger, de catastrophe. Alors, à ce moment-là, la cristallisation mène à la perte de l'amant, parce qu'il a tout misé sur l'aimer, elle n'est pas à lui, elle peut la perdre. Si vous voulez, la cristallisation, c'est un acte dangereux qui est justement nécessaire pour que l'amour existe. L'amour existe dans le danger, par le danger. Et la Chartreuse de Parme, tous les dangers, toutes les formes du danger, et la Chartreuse de Parme en est la manifestation la plus rigoureuse. Mais je constate quand même que dans le texte que l'on a entendu, l'amour précède la cristallisation. 1. Admiration. 2. On se dit quel plaisir de lui donner des baisers. 3. L'espérance. 4. L'amour est né. 5. La première cristallisation, parce qu'il y en a 2, commence. La cristallisation existe. Elle est là à partir du moment où elle peut devenir inutile parce que l'amante va se refuser. Alors à ce moment-là, elle tient, si vous voulez, elle tient dans le danger et la souffrance. Mais c'est ce qui fait exister l'amour sous une certaine forme. C'est pas ça qui fait naître l'amour. C'est la perte, c'est la mort. Sans révéler de l'amour. Ce qui n'arrive pas à la fin de la Chartreuse de Parme, sans tout révéler. Non, mais qui peut toujours. Ce n'est pas l'amour qui meurt. Non, c'est pas l'amour qui meurt. C'est... Mais les amants meurent quand même. Non, non, l'élément fondamental, si vous voulez, chez Stendhal, c'est que la passion. Et c'est là qu'on se sépare très, très nettement de la tradition de l'érotisme platonicien. La passion, eh bien, l'éros se solidifie, dure, devient passion quand il est risque de mort, risque capital. Merci beaucoup Michel Crouzet d'être venu nous parler de la Chartreuse de Parme aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs aux nombreux ouvrages que vous avez consacrés à Stendhal, dont une présentation et annotation de la Chartreuse de Parme à partir de l'édition originale aux éditions Paradigme. On se quitte avec un classique romantique de la chanson d'amour italienne Ricci et Poveri. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo, io canto al ritmo. France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, vous nous faites part chaque jour de vos essais de la rentrée, ceux qui vous préférez parmi tous ceux que vous avez reçus, ceux qui ont retenu votre attention. Et aujourd'hui, quel livre a retenu votre attention ? Eh bien, La fin des temps, un essai sur la fin des temps. Oui, chacun sa manière de fêter la rentrée. Certains y voient un début ou un recommencement, quand d'autres nous rappellent que nous nous rapprochons encore un peu plus de la fin des temps. C'est le cas du philosophe Pierre-Henri Castel avec son essai paru aux éditions du Cerf, Le mal qui vient. Mais après tout, pourquoi pas ? Savoir que la fin des temps est proche, est-ce si grave ? Il est minuit moins deux. Minuit représentant la fin du monde. Jamais la planète n'a été aussi proche de l'apocalypse. Au premier abord, on pourrait croire à une prédiction de Nostradamus, mais la démarche est en réalité très sérieuse. C'est le résultat du travail de scientifiques mondialement reconnus, qui prennent en compte de nombreux facteurs, comme la prolifération des armes nucléaires, les cyberattaques et la crise climatique. Qu'il s'agisse de guerre nucléaire, de crise politique ou de catastrophe climatique, chacun semble réagir différemment face à la fin des temps entre déni et crise de panique. Mais au fond, n'est-ce pas la même réaction, à savoir la peur ? À lire les essais sur le sujet, depuis Karl Jaspers jusqu'à Jean-Pierre Dupuy, on pourrait certes distinguer deux formes de peur. La peur qui mobilise, qui responsabilise, chacun pensant infléchir le cours des choses grâce à une prise de conscience, ou la peur qui paralyse, chacun vivant prostré ou dans le déni, dans l'attente de la catastrophe à venir. Mais il s'agit bien dans les deux cas, donc, de peur. Il existe pourtant une autre manière de réagir, et c'est celle proposée par Pierre-Henri Castel, accepter que le mal est inéluctable, qu'il est même déjà là, qu'on le sait, qu'on en est sûr et certain, mais qu'on n'en a pas peur et qu'on n'y fera rien. Telle est la thèse, jamais soutenue face à la fin des temps, ne pas y voir un mal nécessaire et paralysant, ni un mal accidentel et évitable grâce à notre libre arbitre. Dans les profondeurs de la Terre, la sécurité d'un laboratoire top secret a été violée. Un virus mortel, capable de contaminer le monde entier, a été libéré par Umbrella Corporation. Oh mon Dieu! Il faut qu'on sorte d'ici! Je vais chercher de l'aide. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les freins qui lâchent! Je peux plus mon cœur! Attention Géraldine, c'est à vous. Si la fin du monde est déjà là, si le mal est déjà fait, que faire? Ou mieux, comment faire pour accepter de ne rien faire? Comment accepter de vivre sans lendemain? Comment même déjà accepter qu'il n'y ait pas de lendemain? Comment admettre cette idée d'inéluctabilité? Au-delà des représentations apocalyptiques ou post-apocalyptiques qui subliment ou mobilisent les esprits, Pierre-Henri Castel nous pousse à transformer ce que l'on pense de soi et non le cours du monde. On se croyait tout puissant, conduit à perdurer par-delà les générations, capable de choisir une destinée, ou, au contraire, on se croyait condamné à la faiblesse, voué à la finitude et au pessimisme, aux passions et à la passivité, nous ne sommes peut-être ni l'un ni l'autre. Car ce qu'il reste à faire ne relève paradoxalement pas de l'action ni du projet dans le monde, mais de la conversion de soi et du regard porté sur le monde. Pourquoi voir comme un mal la fin des temps et le fait de ne rien faire? Pourquoi vouloir le changer et le nier? Pourquoi vouloir le frapper d'une force morale qu'il s'agirait de modifier? Ma foi, messieurs, il ne fait aucun doute que Mme Vaccari, d'ici 2 semaines, transformera ces jeunes personnes en vrais putains. Rien n'est plus contagieux que le mal. Je crois, Excellence, que vous êtes dans l'erreur. Il est des gens qui ne peuvent réussir à se comporter mal que lorsque la passion les pousse au mal. Il est des gens dont la nature est d'être toujours malheureux et qui passent leur vie à se repentir le matin de ce qu'ils ont fait la veille. Enfin, vint le jour où je devins un porc, j'exerçais mes dents sur l'écorce des arbres et contemplais mon jardin avec délice. Dans un essai précédent, Pierre-Henri Castel s'était déjà penché sur cette notion de mal avec Sade. L'idée ici est moins de la suivre dans des œuvres que de voir le mal à l'œuvre, mais surtout de l'imaginer et de l'envisager autrement. Et si le mal nous procurait du plaisir ou était désormais la seule occasion de se réjouir? Et si l'autodestruction n'avait au fond rien de mauvais, mais qu'on la regardait comme quelque chose de mauvais? Et si le mal qui arrive n'avait donc rien de mauvais? Sade, mais aussi Nietzsche, vivre sans lendemain, par-delà bien et mal, la démarche de cet essai a des allures nietzschéennes, l'enjeu étant de transformer non pas les choses, mais d'abord nous-mêmes, plus que la fin des temps, l'enjeu, n'est-ce pas nous, avant tout. Merci Géraldine, rappelez-nous le titre de cet essai. Le mal qui vient, et c'est aux éditions du Cerf, et c'est par Pierre-Henri Castel. Mal, M-A-L, M-A-L, mais Pierre-Henri Castel est bien M-A-L. Aussi. Ouais, exactement. Qui sait, bon. Merci Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à Eva Ferenzi qui a préparé cette émission avec Géraldine Bosna-Savoie, Isis Jourda, Marie Simon, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Alexandre Dang à la prise de son aujourd'hui et Georges Clès à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur l'amour en compagnie de Laurence Campa, spécialiste d'Apollinaire, avec qui nous évoquerons les merveilleux poèmes à loup. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission sur la Chartreuse de Parme de Stendhal, C'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, ainsi que toute cette série sur l'amour, qui, je le précise, est au programme des prépas scientifiques, ainsi que les trois œuvres dont nous avons parlé cette semaine, Le Banquet de Platon, Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare et La Châtreuse de Parme. Vous pouvez vous faire des révisions toute l'année grâce à ces trois podcasts que vous pouvez écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur Facebook, Twitter et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.